Selon le journal d'Internet sud-coréen Tongil News, 69 formations civiques et sociales, y compris le comité de mesure de la société civile contre la répression de l'ordre public, le comité d'appui aux ouvriers détenus et la solidarité nationale pour l'abolition de la loi sur la sécurité, ont tenu une conférence de presse le 28 juillet à Séoul pour la mise en liberté des prisonniers consciencieux.